Comment peut-on être autochtone ? Le mot autochtone associe deux termes issus du grec ancien, autos, au sens de soi-même, et kton, la terre. Cette manière de relier l'identité au terroir a traversé les siècles au point qu'elle a nourri les discours nationalistes depuis le 19e siècle. En France, c'est Maurice Barrès qui a popularisé l'idéologie sur les Français de souche avec ses écrits sur la terre et les morts. En Allemagne, c'est au nom du slogan « Blut und Boden », le sang et le sol, que les nazis ont mené leur politique d'extermination. Marcel Détienne, un éminent historien de l'Antiquité récemment disparu, s'est lancé dans une démarche visant à comprendre les raisons qui peuvent expliquer la fascination des peuples pour l'autochtonie depuis les périodes les plus reculées de notre histoire. En prenant pour objet d'étude les guerres qui opposèrent entre elles les cités grecques, il a montré comment l'autochtonie s'était déployée à Athènes dans la première moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ, quand les orateurs politiques de ce temps-là tenaient la place des professeurs d'histoire du XIXe et du XXe siècle. « Nous sommes les bons autochtones », affirment ces orateurs, « nés d'une terre dont les habitants sont restés les mêmes depuis les origines, sans discontinuité. Une terre que nos ancêtres nous ont transmise. Ceux qui vivent dans les autres cités sont des étrangers et leurs descendants sont des métèques. Ces orateurs ajoutent que leurs glorieux ancêtres ont permis à leurs fils de reposer après leur mort dans cette terre qui les a mis au monde et leur a donné le sein. » Dès cette époque, ajoute Marcel Détienne, les partisans de l'autochtonie ont associé la défense d'un territoire et la valorisation d'un acte ou d'un personnage fondateur. On retrouve cette association dans les discours des nationalistes modernes. Par exemple, dans le cas français, les discours exaltant nos ancêtres les Gaulois, incarnés par la figure de Vercingétorix, se sont largement diffusés à la fin du XIXe siècle pour dénoncer l'amputation du territoire national lors de l'annexion de l'Alsace-Moselle par l'Allemagne. L'importance que les adeptes de l'autochtonie accordent aux actes fondateurs s'explique par le fait que l'identité collective de leur groupe d'appartenance est présentée comme s'il s'agissait de l'identité d'une personne. Le fondement est vu comme la naissance d'un être qui grandit, puis qui atteint sa maturité, c'est-à-dire sa personnalité. Mais celle-ci doit être défendue, car elle est toujours menacée dans son corps, c'est-à-dire dans son territoire. Les autochtones ont donc besoin d'une mémoire pour exister comme une communauté. Et cette mémoire est entretenue par des rituels, des gestes, des discours. Cette fonction commémorative est l'un des rôles qui a été attribué aux historiens dans le passé. Ayant constaté qu'à toutes les époques, les communautés humaines ont eu tendance à exalter leur autochtonie, Marcel Détienne estimait que le rôle civique des historiens d'aujourd'hui n'était pas de dénoncer le culte des ancêtres. À ses yeux, le rôle est plutôt d'aider leurs concitoyens à prendre du recul par rapport à ce genre de culte, de façon à laisser une porte ouverte pour accueillir les nouveaux venus.